La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 24 mars 2019. Salutations toutes particulières à mes fidèles auditeurs passionnés d'aventures sonores. Alors, je vous propose ce soir, en première partie d'émission, une rencontre avec Christian Delécluse. C'est un artiste et un chercheur qui s'intéresse à l'impact de la révolution numérique sur les arts en général, mais plus particulièrement sur l'architecture, les arts visuels et autres formes d'expression. Alors, sur le plan de la création, Christian Delécluse invente des machines, dit-il, qui questionnent et transforment nos expériences du monde sensible par toutes sortes de stratagèmes associés aux connaissances scientifiques notamment. Il présentait en février dernier une installation dans le cadre du Mois Multi, installation intitulée « Depuis la nuit suspendue des temps », une œuvre proposant une expérience de contemplation autour de la chute et du miroitement lumineux de petites gouttelettes d'eau, une installation basée sur un principe assez simple mais extrêmement efficace. À propos de Christian Delécluse, eh bien, je reprends ses propres termes quand il se dit imprégné de culture hybride, innervé par des références classiques et contemporaines de l'art et de la science. Alors, chercheur, enseignant, artiste et aussi commissaire d'exposition, Christian Delécluse vit et travaille à Paris, bien qu'il soit depuis quelques mois résident et enseignant au Québec. Alors d'abord ingénieur puis architecte, Delécluse réfléchit ses œuvres dans le contexte de la révolution numérique, en s'interrogeant notamment sur les frontières entre technologie et nature, sur les relations affectives et cognitives que nous tissons avec les machines. Christian aime dire qu'il invente des machines sensibles qui nous renvoient à un imaginaire mythologique et archaïque, un peu ce que a réalisé cette installation intitulée « Depuis la nuit suspendue des temps ». Ces installations ont été présentées dans de nombreux lieux et festivals en France et à l'étranger, le Brésil, la Tunisie, l'Italie, le Portugal, la République tchèque et évidemment j'en passe. Il a été co-commissaire de l'exposition Monde souterrain pour la Nuit blanche de 2016 et lauréat du concours Réinventer Paris en 2016 avec l'agence AR Studio Architecture. Alors voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Delécluse lors de sa présence à Québec dans le cadre des préparatifs de la présentation de son exposition présentée à Avatar en février dernier. Alors, ce que je vous propose, c'est retour sur « Depuis la nuit des temps suspendus » avec Christian Delécluse. Alors, Christian Delécluse, grand plaisir de te rencontrer cet après-midi. Le plaisir est partagé. Christian, tu présentes actuellement une installation chez Avatar dans le contexte du mois multi. Et avant de parler de cet environnement artistique, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Tu es, si je lis un peu entre les lignes, de ton curriculum architecte, artiste, un peu philosophe des nouvelles technologies, commissaire d'exposition. J'aimerais que tu me parles un peu de cette démarche tout azimut. Alors, tout azimut, oui, en même temps, c'est des choses qui sont vraiment complémentaires et qui se nourrissent mutuellement. Et j'ai aussi une autre casquette qui est que j'ai fait des études de sciences au départ. Donc, j'ai aussi un diplôme d'ingénieur que j'ai fait en France. Et du coup, le lien aussi, je pense, à la science et puis à la connaissance en général, c'est le sujet qui m'intéresse. Et je conçois la pratique artistique aussi comme une recherche, une forme de recherche qui nourrit une autre forme de connaissance que la connaissance scientifique, mais qui en dialogue. Ouais. Dis-moi, je vais faire le pont, comment l'homme de science, au départ, en arrive à flirter avec l'univers des arts? Ouais, ben en fait, si on regarde, c'est vrai qu'actuellement il y a une espèce de dissociation, mais je pense que c'est en train de disparaître. Notamment, on voit de plus en plus des projets art et sciences qui émergent, et aussi historiquement, il y a plein de moments où c'était relativement proche. On peut penser évidemment à la figure de Léonard de Vinci, à la fois ingénieur, architecte, artiste. Pardon. Et je pense que justement cette espèce de séparation, c'est une construction sociale, mais qui est pas du tout une nécessité. Et quand je parle des sciences, c'est pas forcément les sciences appliquées, c'est plutôt les sciences fondamentales dans lesquelles je trouve qu'il y a vraiment une dimension philosophique qui dialogue assez bien justement avec les arts. Question de l'esthétique, je trouve elle est assez proche. Justement de toutes les questions d'épistémologie, voilà, toutes les constructions, je dirais toutes les représentations du monde que l'on peut se faire à travers la connaissance scientifique qu'on a du monde. Je reviens, j'aborde, je dirais, cette installation qui s'intitule « Depuis la nuit suspendue des temps ». C'est une installation avec un grand volet aquatique, je dirais, et sonore. J'aimerais que tu nous, à la fois que tu nous, peut-être nous décrire un peu cette installation et puis nous entretenir sur son objet. Oui. On a une espèce de monolithe noir qui est suspendu dans l'espace, et en sous-face de cet objet, il y a de l'eau qui s'écoule, qui est donc il y a un objet un peu sculptural aussi, une dimension spatiale, et la sous-face de cet objet est aussi une unique source de lumière dans la pièce, dans l'espace, et cette lumière éclaire les filets d'eau qui s'écoulent. Puis c'est une lumière qui est un peu travaillée, mais à l'insu du spectateur, et ce travail de vibration permet de transformer la perception qu'on a des filets d'eau qui deviennent par moments des gouttes d'eau. Donc déjà ils se séparent en gouttes, et en plus elles sont comme suspendues dans l'espace. Donc ça crée évidemment une expérience un peu paradoxale et contre nature, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça c'est je dirais le fondement du projet. Christian, je t'arrête. On va, pour le plaisir, écouter un extrait de cette installation. Évidemment, que tu viens de nous décrire, on va entendre un extrait de ce qu'elle produit en termes de sonorité. Oui. Donc, Christian, on vient d'entendre là, le résultat sonore de ce dispositif qui est assez tout de même complexe. Fragmentation, suspension des gouttelettes d'eau dans l'espace. Et c'est un travail qui s'inscrit de quelle manière ça, dans ta démarche? Je travaille beaucoup autour de la question des machines. Donc plus précisément peut-être que la technologie qui est plutôt, je dirais, l'environnement de connaissances dans lequel on évolue. La machine, c'est vraiment la partie, je dirais, opérationnelle, opératoire. Donc c'est à la fois l'expression finalement de notre culture, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de transmettre aussi un rapport au monde. Et comme je travaille beaucoup sur cette question justement de tout ce qui construit nos représentations, la question du regard, la machine, je trouve que c'est vraiment pas simplement en termes de métaphore, on peut dire ça, voilà, c'est vraiment une métaphore de compréhension du monde, en l'utilisant au sens très large, c'est-à-dire que voilà, les institutions humaines, par exemple, aussi, les organisations humaines peuvent être vues aussi comme des formes de machines. Ce que j'entends par là, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux avec une certaine finalité. Une machine, elle a toujours un but de produire quelque chose. Et donc, dans mon travail, il y a souvent une production, effectivement, une construction, une imagination, une construction de machines qui sont des machines que j'appelle sensibles, puisqu'elles n'ont pas de finalité de produire des objets, etc., mais de travailler autour de questions perceptuelles, voilà, de créer des situations d'ambiguïté perceptuelle, par exemple, qui vont éveiller, questionner le regard et donc la façon qu'on a de considérer le réel. Dis-moi, la composante sonore de l'installation, elle a été réfléchie de quelle manière dans la construction du projet? Elle est là depuis le début. Et puis j'ai une attention particulière au paysage sonore. En fait, c'est vraiment un élément qui m'accompagne depuis que je suis vraiment enfant. C'est probablement un des premiers rares auxquels j'ai été sensible à la musique. C'était vraiment mes premiers coups de cœur esthétiques. Ça a été des coups de cœur musicaux. Et puis les arts plastiques, c'est des choses qui sont arrivées, l'architecture, c'est des choses qui sont arrivées beaucoup plus tard finalement. Je pense que comme il y a une dimension aussi de composition dans l'installation, c'est-à-dire que comme il y a la possibilité effectivement de suspendre les gouttes, mais également de les faire légèrement monter, descendre, il y a toute une partition finalement de l'objet qui est mis en place. Et cette partition, je pense que je la construis comme une partition musicale. Vraiment, donc même si c'est visuel, je pense que c'est construit comme si c'était un objet sonore. Et comme il y a en fait aussi un lien pour le coup technique entre l'apparition des gouttes et l'activation de vibrations mécaniques qui créent du coup du son. Donc il y a naturellement un lien entre le visuel et le sonore en fait. Christian, c'est pas le premier projet dans lequel il y a une dimension sonore importante dans ton travail. J'aimerais que tu nous amènes sur un autre de tes projets à composante sonore marquante, significative. Alors, il y a un autre projet qui est assez proche de celui-ci, qui est un projet qui s'appelle Inner Space, qui est un projet d'installation de lignes lumineuses qui joue sur des situations d'ambiguïté perceptuelle, notamment en étant avec une luminosité très faible. Les lignes lumineuses, en fait, se déplacent dans l'espace Donc il y a des moteurs aussi qui sont mis voilà, qui sont impliqués dans ces mouvements-là. Et donc j'ai travaillé avec le son des moteurs en plaçant on va dire des micros sur les moteurs, et puis il y a tout un travail de traitement en temps réel des sons des moteurs qui sont diffusés dans l'espace. Donc ça devient un peu c'est comme si on était placé à l'intérieur de la machine, finalement, par la diffusion sonore qui enveloppe le spectateur. Christian, si tu veux, on va écouter un extrait de cette installation qui s'intitule Inner Space. Christian, on vient d'entendre un extrait de cette installation, de cette machine, pour reprendre ton expression, qui s'intitule Inner Space. Il y a aussi une autre installation qui s'appelle Dans le noir, dont j'aimerais que tu nous entretiennes un peu. Oui, alors Dans le noir, c'est une installation que j'ai développée en collaboration avec Armando Menicacci, qui est spécialiste de danse et nouvelles technologies. Et c'est un projet d'installation interactive dans lequel les corps, les gestes du spectateur construisent un paysage sonore qui évolue avec lui, en fait, dans l'espace. Et comme le titre l'indique, l'installation est totalement dans le noir complet. Et donc, il y a une perte de repères totale qu'on rentre dans cet espace, qui fait qu'il y a déjà une activation de sens compensatoire, c'est-à-dire qu'il y a déjà une transformation de la perception, et qui fait que le son devient le seul repère, je dirais, perceptuel dans l'espace, avec évidemment le toucher et la sensation de corporelle. Et le fait que justement les sons soient modulés par les gestes, il y a des formes de synesthésie qui s'installent. On a vraiment l'impression de caresser le son quand on bouge dans l'espace. Et puis une autre dimension que je trouve vraiment intéressante dans ce travail-là, c'est que même si le projet est dans le noir, il y a énormément d'images qui apparaissent dans l'esprit du visiteur. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de gens qui ont pu tester ce projet, et c'est toujours des conversations assez intéressantes et assez impressionnantes, parce que les gens projettent énormément, finalement, d'interprétation. Donc il y a quasiment une forme d'exploration inconsciente assez phénoménale. Ouais. Christian, on va se laisser sur un extrait de quelques sonorités de ce projet qui s'intitule « Dans le noir ». Et je te remercie infiniment de m'avoir accordé cette belle rencontre. Ben c'est moi. Merci beaucoup. Alors voilà ce qui complète cette rencontre avec Christian de l'Écluse. On prend un petit moment de pause et je vous reviens dans quelques instants pour la poursuite de la Croche-Oreille deuxième partie. CKRL. Communication. Culture. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, c'est la Croche-Oreille qui se poursuit et j'en profite pour vous rappeler que c'est le Radioton de CKRL, vendredi, samedi, dimanche prochain. Alors, premier mouvement, c'est de renouveler votre membership et deuxième mouvement, c'est de participer généreusement à ce Radioton. Alors, toutes sortes d'activités qui vous permettent de faire des dons et de participer à toutes sortes de manœuvres visant le financement de la station. Trois journées essentielles pour le bon fonctionnement de qualité de la station. Alors, c'est une invite à être généreux afin qu'on poursuive nos activités. Alors, j'en profite pour vous rappeler que toutes les pièces qui sont entendues au cours de l'émission, on peut les retrouver sur le site de la Croche-Oreille. Vous faites une petite recherche sur la toile et vous allez trouver à la fois toutes les émissions produite en balado diffusion pour écoute immédiate ou en différé ainsi que le titre des pièces et références des pièces que nous avons fait entendre. Alors cela dit, dans la foulée des activités d'Avatar de février dernier dans le cadre du mois multi, le centre d'artistes lançait en primeur l'album Fluff, un disque vinyle comme on en voit rarement, réalisé par les artistes Marla Ladi et Éric Chenot, une création inédite réalisée à partir d'expérimentations qu'ils nomment, appellent Field Performance Recording, alors du field recording performatif, tout ça issu d'expérimentations musicales et sonores. On retrouve sur l'album trois pièces qui proposent une exploration des propriétés acoustiques et poétique de certains lieux inusités, comme, pour prendre cet exemple, le gymnase du Patro Rocamadour, qu'ils ont exploité sur le plan sonore, et on écoutera ça en dernière partie d'émission. Alors, à propos de Marla, elle a dit, on dit qu'elle dessine, fait de la sculpture, des sons et parfois de la vidéo. Les sculptures cinétiques et les pièces sonores de Marla se composent souvent d'objets assez usuels, des pots, théières et j'en passe, qu'elle met en mouvement pour inventer, révéler des poésies sonores activé par des sculptures ou des objets en mouvement. Son travail a été largement diffusé au Canada. Elle est venue au mois multi en 2018. Son travail aussi présenté aux États-Unis, au Royaume-Uni, Norvège, Islande et en de nombreux pays. Elle est actuellement professeure agrégée au département des arts de l'Université de Toronto. Alors, quant à Éric Chenot, eh bien, il est guitariste, chanteur, improvisateur. Il compose et interprète pour le cinéma et la danse contemporaine. Éric a joué et enregistré avec de nombreux artistes au cours de sa carrière, dont Pauline Oliveros, célèbre, John Oswald, aussi célèbre, artiste torontois, Michael Snow, Martin Tétrault, bref, une brochette d'artistes assez importante, et j'en passe de nombreux et de nombreuses personnalités du monde des arts avec lesquelles il a travaillé. travailler. Alors, en guise de guide, et à défaut de rencontrer le duo Ladi-Chenault au cours de février, j'ai eu vraiment le plaisir de m'entretenir avec la directrice artistique du Centre d'artistes Avatar, Caroline Gagné, à propos de cet album de field recording performé, intitulé Fluff, réalisé par Marla Ladi et Éric Chenault. Alors, parole à Caroline Gagné. Caroline Gagné, directrice artistique chez Avatar, grand plaisir de te retrouver encore une fois. Bonjour, Gaétan. Caroline, Avatar présentait début février, c'était dans le cadre du mois multi, lançait le projet Fluff, un album, un disque, je devrais dire, un vinyle, réalisé par Marla Ladi et son complice, Éric Chenault. C'est un album qui repose sur une démarche assez singulière. Ils appellent ça du Field Performance Recording et j'aimerais bien t'entendre sur cette méthode de travail artistique sur le plan sonore. Alors, ben oui, puis je peux faire peut-être un petit historique du projet parce que c'est effectivement un projet dont je suis très fière, qui est sur plusieurs années, en fait, à Avatar comme soutien à la création. Parce que Marla l'a dit, justement, une artiste de Toronto, dans ses résidences qu'elle a faites, elle a rencontré Éric Chenault, qui est aussi originaire de Toronto, mais qui vit à Paris maintenant. Puis, ils ont commencé à un travail ensemble qui allie les machines cinétiques de Marla, c'est-à-dire ses speaker spin puis ses micro spin. Donc, elle fait des enregistrements avec des microphones qui sont placés sur des moteurs, donc qui ont un mouvement rotatif. Donc, lors de leur résidence ici à Avatar, ils ont décidé de travailler à partir de ces instruments-là. Puis ils sont allés dans différents lieux, dont le domaine de Gaspé à Saint-Jean-Port-Joli, qui est une forêt, on va dire, qui est comme un parc municipal où il y a un petit refuge, tout ça. Puis ils sont allés aussi au Patro Rocamadour, ici à Québec, parce qu'ils cherchaient un lieu où il y aurait une grande espace de réverbération dans le gymnase. Donc, c'est d'une certaine façon un peu comme des performances enregistrées. Donc, avec les instruments, les micros qui tournent, ils ont positionné les micros. Parfois, ça peut être, par exemple, Éric qui tient un haut-parleur dans ses mains et qui se déplace. Donc, il est enregistré, le son qui sort du haut-parleur est enregistré par un micro qui se déplace aussi. Donc, tout ça, c'est vrai que si on y assiste, mais c'est pas fait devant public, ben c'est comme une chorégraphie, d'une certaine façon. Marla a dit « j'aime le voir comme une danse ». On est vraiment dans une captation, une réalisation sonore performée, un peu au sens où on fait de la performance, mais cette fois avec toute l'instrumentation utilisée par les artistes sonores. Bien, tout à fait. Puis après, ils sont revenus dans le studio ici, ils ont rejoué dans les haut-parleurs, re-enregistré avec les micros qui tournent. Donc, c'est des multiples captations. Ensuite, il y a eu tout un travail de mixage de ça, d'optimisation numérique pour en faire trois pièces. C'est les trois pièces qui sont sur l'album vinyle. Puis nous, à Avatar, on n'a pas l'habitude de faire des vinyles. Sauf que quand j'écoutais les pièces, donc ça donne un peu l'illusion que le son tourne. Hein? Il y a certains sons comme ça qui, à cause du micro qui tournait au moment de l'enregistrement. Puis j'ai pas pu m'empêcher de voir ça. Je me suis dit, il faut qu'au moment où on l'écoute, qu'on dépose l'objet sur un dispositif qui tourne lui-même, puis que le son qu'on entend avec ce qu'on voit du vinyle, pour moi, il y avait vraiment un arrimage poétique et très fort. Donc, on s'est lancé dans la production de ce vinyle, puis on avait vu juste, ça marche très bien. On a effectivement ce sentiment-là que le disque, C'est un peu comme une installation ou un tableau. C'est pas juste le support de l'œuvre qui permet de l'écouter, mais c'est l'objet qui est l'œuvre aussi. Caroline, si tu veux, on va écouter un extrait assez substantiel du projet Fluff. On écoute ça. Bonne écoute! Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la croche-oreille. Je remercie infiniment Caroline Gagné pour cette brève présentation de l'album Fluff, présenté, lancé par Avatar en février dernier, un album créé par le duo Marla Ladi-Éric Chenot. Alors, on complète l'émission avec un extrait de l'album Fluff, cette pièce intitulée Patro Rocamadour. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. La croche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.